Voici d'abord des extraits du discours préliminaire écrit par D'Alembert. L'encyclopédie que nous présentons au public est, comme son titre l'annonce, l'ouvrage d'une société de gens de lettres. Nous croirions pouvoir assurer, si nous n'étions pas du nombre, qu'ils sont tous avantageusement connus ou dignes de lettres. Mais, sans vouloir prévenir un jugement qui n'appartient qu'aux savants de portée, il est au moins de notre devoir d'écarter avant toute chose l'objection la plus capable de nuire au succès d'une si grande entreprise. Nous déclarons donc que nous n'avons point eu la témérité de nous charger seuls d'un poids si supérieur à nos forces, et que notre fonction d'éditeur consiste principalement à mettre en ordre des matériaux dont la partie la plus considérable nous a été entièrement fournie. L'ouvrage que nous commençons, et que nous désirons finir, a deux objets. Comme encyclopédie, il doit exposer autant qu'il est possible l'ordre et l'enchaînement des connaissances humaines. Comme dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, il doit contenir sur chaque science et sur chaque art, soit libéral, soit mécanique, des principes généraux qui en sont la base et les détails les plus essentiels qui en font le corps et la substance. Ces deux points de vue, d'encyclopédie et de dictionnaire raisonné, formeront donc le plan et la division de notre discours préliminaire. La troisième partie de ce discours préliminaire reproduit dans ses grandes lignes le prospectus écrit par Diderot, paru en 1750, afin d'obtenir une avance d'argent auprès de 2000 souscripteurs. On ne peut disconvenir que depuis le renouvellement des lettres parmi nous, on ne doive en partie au dictionnaire les lumières générales qui se sont répandues dans la société et ce germe de science qui dispose insensiblement les esprits à des connaissances plus profondes. Nous avons cru qu'il importait d'avoir un dictionnaire qu'on pût consulter sur toutes les matières des arts et des sciences et qui servit autant à guider ceux qui se sentent le courage de travailler à l'instruction des autres qu'à éclairer ceux qui ne s'instruisent que par eux-mêmes. Jusqu'ici, personne n'avait conçu un ouvrage aussi grand, ou du moins, personne ne l'avait exécuté. L'expérience journalière n'apprend que trop combien il est difficile à un auteur de traiter profondément de la science ou de l'art dont il a fait toute sa vie une étude particulière. Quel homme peut donc être assez hardi et assez borné pour entreprendre de traiter seul de toutes les sciences et de tous les arts? Nous avons inféré de là que pour soutenir un poids aussi grand que celui que nous avions apporté, il était nécessaire de le partager. Et sur le champ, nous avons jeté les yeux sur un nombre suffisant de savants et d'artistes habiles et connus par leur talent dans les genres particuliers qu'on avait à confier à leur travail. Nous avons distribué à chacun la partie qui lui convenait. Quelques-uns même étaient en possession de la leur, avant que nous chargeassions de cet ouvrage. Le public verra bientôt leurs noms et nous ne craignons point qu'ils nous les reprochent. Ainsi, chacun, n'ayant été occupé que de ce qu'il entendait, a été en état de juger sainement de ce qu'en ont écrit les anciens et les modernes, et d'ajouter, au secours qu'il en a tiré, des connaissances puisées dans son propre fond. Personne ne s'est avancé sur le terrain d'autrui, et ne s'est mêlé de ce qu'il n'a peut-être jamais appris. Et nous avons eu plus de méthode, de certitude, d'étendue et de détails qu'il ne peut y en avoir dans la plupart des lexicographes. Il est vrai que ce plan a réduit le mérite d'éditeur à peu de choses, mais il a beaucoup ajouté à la perfection de l'ouvrage, et nous penserons toujours nous être acquis assez de gloire si le public est satisfait. En un mot, chacun de nos collègues a fait un dictionnaire de la partie dont il s'est chargé, et nous avons réuni tous ces dictionnaires ensemble. La partie des arts mécaniques, entendez par arts mécaniques les métiers, ne demandait ni moins de détails ni moins de soins. Jamais, peut-être, il ne s'est trouvé tant de difficultés rassemblées et si peu de secours dans les livres pour les vaincre. On a trop écrit sur les sciences. On n'a pas assez écrit sur la plupart des arts libéraux. On n'a presque rien écrit sur les arts mécaniques. Car qu'est-ce que le peu qu'on en rencontre dans les auteurs en comparaison de l'étendue et de la fécondité du sujet? Entre ceux qui en ont traité, l'un n'était pas assez instruit de ce qu'il avait à dire et a moins rempli son sujet que montrer la nécessité d'un meilleur ouvrage. Un autre n'a qu'effleuré la matière, en la traitant plutôt en grammairien et en homme de lettres qu'en artiste. Un troisième est, à la vérité, plus riche et plus ouvrier. Mais Il est en même temps si court que les opérations des artistes et la description de leurs machines, cette matière capable de fournir seule des ouvrages considérables, n'occupe que la très petite partie du sien. Chambers n'a presque rien ajouté à ce qu'il a traduit de nos auteurs. Tout nous déterminait donc à recourir aux ouvriers. On s'est adressé aux plus habiles de Paris et du royaume. On s'est donné la peine d'aller dans leurs ateliers, de les interroger, d'écrire sur leurs dictées, de développer leurs pensées, d'en tirer les termes propres à leur profession, d'en dresser des tables, de les définir, de converser avec ceux de qui on avait obtenu des mémoires et, précaution presque indispensable, de rectifier dans de longs et fréquents entretiens avec les uns ce que d'autres avaient imparfaitement, obscurément et quelquefois infidèlement expliqué. Il est des artistes qui sont en même temps gens de lettres, et nous en pourrions citer ici, mais le nombre en serait fort petit. La plupart de ceux qui exercent les arts mécaniques ne les ont embrassés que par nécessité et n'opèrent que par instinct. À peine entre 1000 en trouve-t-on une douzaine en état de s'exprimer avec clarté sur les instruments qu'ils emploient et sur les ouvrages qu'ils fabriquent. Nous avons vu des ouvriers qui travaillent depuis 40 années sans rien connaître à leur machine. Il a fallu exercer avec eux la fonction dont se glorifiait Socrate, la fonction pénible et délicate de faire accoucher les esprits. Obstetrix animorum. Mais il est des métiers si singuliers et des manœuvres si déliées qu'à moins de travailler soi-même, de mouvoir une machine de ses propres mains et de voir l'ouvrage se former sous nos propres yeux, il est difficile d'en parler avec précision. Il a donc fallu plusieurs fois se procurer les machines, les construire, mettre la main à l'œuvre, se rendre, pour ainsi dire, apprenti et faire soi-même de mauvais ouvrages pour apprendre aux autres comment on en fait de bons. C'est ainsi que nous sommes convaincus de l'ignorance dans laquelle on est sur la plupart des objets de la vie et de la difficulté de sortir de cette ignorance. C'est ainsi que nous sommes mis en état de démontrer que l'homme de lettres, qui sait le plus sa langue, ne connaît pas la 20e partie des mots, que, quoique chacun ait la sienne, cette langue est encore bien imparfaite, que c'est par l'extrême habitude de converser les uns avec les autres que les ouvriers s'entendent, et beaucoup plus par le retour des circonstances identiques que par l'usage des termes. Dans un atelier, c'est le moment qui parle, et non l'artiste. Voici la méthode qu'on a suivie pour chaque art. On a traité, premièrement, de la matière, des lieux où elle se trouve, de la manière dont on la prépare, de ses bonnes et mauvaises qualités, de ses différentes espèces, des opérations par lesquelles on la fait passer, soit avant de l'employer, soit à la mettant en œuvre. Deuxièmement, des principaux ouvrages qu'on en fait et de la manière de les faire. Troisièmement, on a donné le nom, la description, la figure des outils et des machines par pièces détachées et par pièces assemblées, la coupe des moules et d'autres instruments dont il est à propos de connaître l'intérieur, leur profil, etc. Quatrièmement, on a expliqué et représenté la main-d'œuvre et les principales opérations dans une ou plusieurs planches où l'on voit tantôt les mains seules de l'artiste, tantôt l'artiste entier en action et travaillant à l'ouvrage le plus important de son art. Cinquièmement, on a recueilli et défini le plus exactement qu'il a été possible les termes propres à l'art. Mais le peu d'habitude qu'on a et d'écrire et de lire des écrits sur les arts rend les choses difficiles à expliquer d'une manière intelligible. De là naît le besoin de figures. On pourrait démontrer par 1000 exemples qu'un dictionnaire pur et simple de définition, quelque bienfait qu'il soit, ne peut se passer de figures sans tomber dans des descriptions obscures ou vagues. Combien donc, à plus forte raison, ce secours ne nous était-il pas nécessaire? Un coup d'œil sur l'objet ou sur sa représentation en dit plus qu'une page de discours. On a donc envoyé des dessinateurs dans les ateliers. On a pris l'esquisse des machines et des outils. On n'a rien omis de ce qui pouvait les montrer distinctement aux yeux. Dans le cas où une machine mérite des détails par l'importance de son usage et par la multitude de ses parties, on a passé du simple au composé. On a commencé par assembler dans une première figure autant d'éléments qu'on en pouvait apercevoir sans confusion. Dans une seconde figure, on voit les mêmes éléments avec quelques autres. C'est ainsi qu'on a formé successivement la machine la plus compliquée, sans aucun embarras, ni pour l'esprit, ni pour les yeux.